Lettre 39e. Monsieur Villard à Evelina, Berry Hill, 28 mai. Madame Duval a réussi à m'arracher un consentement qui me coûte bien des regrets. Vous quitterez, ma chère, la respectable Lady Howard, pour retourner dans une ville où je n'espérais pas de vous voir entrer de sitôt. Hélas, mon enfant, faut-il que nous soyons aussi souvent les esclaves du préjugé et des circonstances? Faut-il céder au torrent, lors même que la raison désapprouve notre conduite? Vous sentez bien que cette résolution doit avoir été déterminée par de grands motifs, et puisque l'affaire est une fois conclue, tâchons du moins d'en tirer le meilleur parti possible. Voici le moment de vous armer plus que jamais de prudence. Le mois que vous allez passer avec Madame Duval sera pour vous un temps d'épreuve. Quand même, elle ne serait pas capable de vous donner de mauvais conseils par méchanceté. Vous devez pourtant être sur vos gardes et vous défier de son peu de jugement. Accoutumez-vous à juger et agir par vous-même, et si l'on vous proposait des démarches ou des projets incompatibles avec votre devoir, rejetez-les hardiment et ne risquez point, par une trop grande facilité, d'encourir la censure du public et de vous préparer des regrets pour l'avenir. Ayez des attentions pour Madame Duval, mais fuyez autant que vous pourrez ses sociétés. Les personnes qu'elle fréquente ne sont ni d'un rang, ni d'une éducation à vous faire honneur. Souvenez-vous, mon Evelina, qu'une bonne réputation est ce qu'une femme a de plus cher au monde, mais aussi rien de plus délicat et de plus fragile. La moindre tâche suffit pour la flétrir. Adieu, mon enfant. Je ne retrouverai le repos que dans un mois. Arthur Villard.